Vous écoutez l'émission de Patrick Tréau, Comment créer le paradis sur Terre. Patrick Tréau, c'est maintenant sur Radio Impact. Ici Patrick Tétreau sur Radio Impact en ce dimanche 26 avril 2020. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, sur une requête spéciale, on va parler de crédit social, donc de réforme du système financier. L'argent, c'est important. Comme on l'a dit, on le sait tous, c'est un instrument de pouvoir extrêmement important, donc c'est quelque chose qu'il faut considérer. Et on va commencer en, En revenant sur le projet comme tel, en général, évidemment, créer le paradis sur Terre, c'est important de spécifier que j'utilise l'expression « paradis sur Terre » et ça pourrait être autre chose. Donc, c'est en fait l'élaboration d'un plan pour créer une nouvelle civilisation. Donc, j'utilise ce symbole-là, « paradis sur Terre », pour représenter l'objectif de civilisation. En fait, ça représente une cible et ce n'est pas un monde paradisiaque ou en fait, ce n'est pas vraiment le vrai paradis sur Terre. C'est plutôt l'expression que j'utilise pour me distancier, me différencier de d'autres appellations qu'on utilise fréquemment, par exemple, changer le monde ou avoir un monde meilleur. Non pas que ces expressions-là ne sont pas justes et excellentes, sauf que conviennent pas à un objectif. Donc, un objectif doit être plus spécifique. Et c'est entendu que paradis sur Terre, on peut pas dire que c'est nécessairement comme tel spécifique, mais c'est difficile d'être spécifique lorsqu'on parle de toute la civilisation. Donc, c'est, évidemment, ça comprend beaucoup d'éléments. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le paradis sur Terre et c'est entendu que c'est loin d'être le paradis nécessairement, ou un monde parfait ou utopique. Donc, c'est une nouvelle civilisation donc qui est en fait tellement, qui va être différente de ce que nous avons maintenant, qu'on pourrait relativement la qualifier de paradisiaque jusqu'à un certain point. Mais l'important, c'est de considérer, de comprendre que c'est un objectif de civilisation, donc qui comprend tous les aspects de la société et qui inclut tout le monde, évidemment. Donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est de travailler à élaborer un plan et évidemment à passer à l'action. Mais d'abord, il faut s'entendre sur c'est quoi le plan. Et ce plan-là, donc évidemment, cette charge-là de travail, ça ne revient pas à l'ONU, au gouvernement, aux experts, mais à l'individu, au citoyen ordinaire ou pas ordinaire, mais à chacun d'entre nous. C'est ça qu'il faut comprendre ça. Et l'idée, c'est de se donner un objectif collectif, de créer une nouvelle société suffisamment différentes telles que les choses inacceptables qui se trouvent dans la société présentement n'y soient plus. Donc, c'est cet aspect-là qui est très important. Donc, parce qu'évidemment, beaucoup de problèmes perdurent et ils ne peuvent pas être réglés de front. Évidemment, par exemple, je donne toujours l'exemple de la faim dans le monde, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais juste celui-là, nous confronte à une réalité qui, en fait, n'a pas lieu d'être. C'est entendu qu'il y a suffisamment de ressources et de nourriture pour tout le monde sur la Terre. Nous sommes capables de nourrir tout le monde amplement. Pourtant, il y en a toujours des millions qui meurent de faim. Donc, cette chose-là est inacceptable. Et c'est entendu qu'il y a des gens qui s'occupent directement du problème, mais c'est important de le faire, peu importe dans quel pays où on se trouve. Sauf que les problèmes perdurent parce que sont dus à des causes de structure, structurelle, système, donc on ne peut pas affecter un changement profond dans ce domaine-là, par exemple la fin dans le monde, sans considérer les autres domaines. Donc nous devons tout considérer et changer plusieurs choses à la fois et les changer en profondeur. Et c'est entendu que pour faire ça, ben ça prend nous allons réussir à faire ça. Et c'est ça la question. Mais avant de regarder au comment, il faut regarder au quoi. Et c'est pour ça qu'il nous faut se donner un objectif. Et c'est ça l'idée. Et en fait, un objectif, donc c'est une cible, c'est un résultat qu'on veut. Et c'est la première étape. Et il faut comprendre que c'est à nous de le faire. Donc ça, c'est avant de se demander pourquoi ou au comment, il faut se demander quoi et à qui. Donc c'est nous qui devons, c'est notre tâche. Donc à le faire et en général c'est pas on pense qu'on est trop petit ou donc c'est pas à nous on peut faire ce qu'on peut mais on peut pas tout changer mais faut comprendre que c'est à chaque individu qui revient le pouvoir, l'autorité de faire des choix qui pourront faire changer les choses. Pour donner une image, j'aime bien utiliser de la collectivité et comment on pourrait s'organiser pour changer, créer un monde différent. J'utilise l'image de l'autobus. Donc, en fait, une collectivité, c'est comme un autobus. Donc, tous les individus sont assis dans l'autobus et il y a un chauffeur, un volant. Et le volant représente les décisions collectives. Et peu importe la décision du collective, peu importe où va l'autobus, tous les individus y vont. Donc c'est important de considérer ça parce que c'est entendu que si il y a des décisions collectives qui sont prises et qui ne me correspondent pas ou qui sont contre mes valeurs, par exemple, qui affectent mon intégrité, c'est de ma responsabilité par rapport au principe de justement de l'intégrité des choix qui sont faits, de faire tout en mon possible, en mon pouvoir, pour que les décisions prises par la collectivité soient en conformité avec mes valeurs. C'est la même chose pour chacun. Donc, comment on peut visualiser ça par rapport à cette image-là de l'autobus? Eh bien, c'est que les individus, moi, je ne peux pas, à moins d'être un dictateur, évidemment, prendre le volant et aller où je veux que la collectivité aille. Mais m'entendre, en fait, nous devons nous entendre, tous les passagers, ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle la politique ou le politique. Comment on s'organise, comment on discute pour finalement comment dicter aux chauffeurs les décisions à prendre. Et ces décisions-là vont participer évidemment à la création de notre société. Donc, c'est de réussir à s'organiser de façon à pouvoir dicter correctement aux chauffeurs les décisions à prendre, autrement dit, à exercer l'autorité collective, qui est évidemment notre deuxième étape de notre plan. La troisième étant la création collective. Donc, il s'agira de prendre les bonnes décisions pour créer ce que nous voulons. Mais la deuxième, c'est de créer l'autorité collective. Et comment on va faire ça? Comment les passagers de l'autobus vont en arriver? Bien, ça va passer par l'unité. Donc, en étant unis, en créant l'unité, sur cette base-là, on va pouvoir s'organiser pour gérer, dans le fond, contrôler le chauffeur et contrôler notre création collective. Donc, c'est une image générale là, du plan. Et comment la responsabilité des individus s'imbrique là-dedans, dans le sens que même si je suis juste un passager dans l'autobus, c'est je participe d'abord à comment je m'organise avec les autres. Donc si tous, ou en tout cas beaucoup, reconnaissent que la destinée, le pouvoir passe par l'unité, bien, à ce moment-là, c'est à chacun à choisir. Il faut d'abord choisir ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, là, on passe à la prochaine étape et éventuellement, on va pouvoir créer quelque chose qui va nous permettre de contrôler notre création collective et créer le monde qu'on veut. Donc, c'est le plan général. Et c'est important de considérer que pour en arriver là, on peut comprendre ça. On n'a pas besoin d'être déjà des êtres illuminés ou des saints. Lorsque j'ai eu cette réponse-là cette semaine en communiquant mes idées, on m'a répondu que le paradis sur Terre, ça va prendre beaucoup de temps, puisque il va falloir que chacun atteigne un niveau spirituel suffisant pour éventuellement avoir le paradis sur Terre. Et certainement que c'est une façon de voir les choses, mais moi, c'est justement pour cette raison-là que je spécifie que le paradis sur Terre, c'est un symbole que j'utilise, mais ce n'est pas vraiment le paradis sur Terre. On n'a pas besoin, c'est sûr qu'on peut, faut chercher à s'améliorer, à voir notre progression, c'est excellent. Mais il ne faut pas attendre de devenir des saints pour créer le paradis sur Terre, c'est-à-dire pour créer un monde minimalement viable. Ce que nous n'avons pas en ce moment, juste en considérant, comme on a dit, la fin dans le monde, qui est quelque chose d'inacceptable, nous sommes capables, dès maintenant, chacun comme nous sommes, sans changer, sans être plus évolué, plus conscient ou quoi que ce soit. Déjà, on est capable, nous sommes suffisamment de gens qui veulent ça, mais il faut s'organiser en conséquence et ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça, parce que moi-même, je suis capable de le comprendre. Donc, si nous réussissons à tous avoir la même vision, ou en tout cas, à la mettre en pratique, on peut y arriver sans même devenir des saints. Évidemment, ça n'empêche pas qu'on peut travailler à le devenir. Et peut-être qu'on va y arriver plus vite, justement, si on crée le paradis sur Terre. On va avoir plus de temps plutôt que d'être esclave d'un système qui ne fonctionne pas et qui détruit la nature en plus. Donc, c'est ça pour l'image de la collectivité. Et donc, on continue. Donc, c'est ça, comme je disais, c'est pas un monde parfait sans problème. C'est entendu aussi qu'il va toujours y avoir des problèmes. La question, ce n'est pas d'éliminer les problèmes, mais de régler des situations inacceptables comme nous avons maintenant. Et aussi, en créant la nouvelle civilisation, c'est important de comprendre que améliorer les choses graduellement, ça peut fonctionner jusqu'à un certain point, mais nous sommes arrivés à une étape où il est important, en fait, c'est de, comme on pourrait dire, un saut quantique. Donc, on ne peut pas juste améliorer les choses indépendamment, à améliorer un petit domaine graduellement. Il va falloir sauter à une nouvelle étape, un nouveau stade, un nouveau niveau. Donc, c'est important de tout le faire ensemble et de tout considérer la société. C'est ce qu'on fait avec ce projet-là, de créer le paradis sur Terre, donc un objectif et qui considère évidemment toutes les dimensions de la réalité pour effectuer un changement profond. Donc, il faut viser pas mal plus haut, mais ce ne sera pas le paradis, quoique relativement, on peut, comme on l'a dit, comparer à ce qu'on a maintenant, ça pourrait être juste de dire que ça va être paradisiaque. Et l'important est de reconnaître que c'est à nous de le faire et avoir cette vision et à vouloir une nouvelle civilisation. Ensuite, on reconnaît notre responsabilité, notre pouvoir, que nous sommes créateurs et qu'on peut faire des choix différents, créer des outils nouveaux, nous organiser de façon telle à pouvoir exercer notre pouvoir plutôt que de le laisser à des forces qui le font à notre place, comme c'est le cas depuis toujours, ou presque en tout cas, et c'est encore le cas. Donc, il nous faudra comprendre que le pire ennemi, c'est nous-mêmes, que notre plus grand obstacle est que nous sommes divisés, c'est-à-dire qu'on n'est pas unis. Et par conséquent, notre plus grande priorité et aussi notre plus grand défi sera l'unité. Comme on a dit dans l'autobus, les passagers doivent s'unir. Et notre salut, si je peux dire ainsi, passe par l'unité. Et l'unité, ce n'est pas que tous pensent pareil, que tous soient pareils ou veulent la même chose, ou que tous soient d'accord. C'est ce qu'on voit en ce moment, on le voit ben, avec la pandémie, c'est exacerbé. Donc la discorde où tous voudraient que les autres voient les choses de leur façon. Et cela est logique et sensé, car dans le fond, ce que les gens veulent, c'est que c'est l'unité. Car ils savent qu'à quelque part que si tout le monde savait et pensait sur la même longueur d'onde, on serait unis et que nous aurions le pouvoir de changer les choses, de régler nos problèmes. Mais cela n'arrivera pas. Et de toute façon, l'unité véritable, c'est pas ça l'unité véritable. L'unité véritable, ça c'est plus l'homogénéité, donc tout le monde pareil, tout le monde d'accord, une espèce de consensus là. Mais l'unité c'est pas ça. L'unité c'est que c'est l'harmonie, c'est on est tous sur la même base. Donc ça va être très concret, ça va être local, ça va être les individus et ça va être une plateforme unique de pouvoir et qui va évidemment venir remplacer. Le pouvoir, comme il s'exerce actuellement par ce qu'on appelle des élus. Donc, il n'y aura plus d'élus, mais ce sera tout simplement comme la majorité des gens qui composent le gouvernement et qui s'occupent des affaires publiques, des fonctionnaires qui seront engagés selon leurs compétences pour effectuer des tâches, mais le pouvoir comme tel sera exercé par la communauté, donc sur cette plateforme unique. Et les gens se retrouveront sur cette plateforme comme ils sont exactement. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser ce qui nous divise à la maison. Donc tous, avec leurs croyances, leurs valeurs, vont se retrouver là. Et c'est ça, donc l'unité va être quand même aussi quelque chose de physique, de concret. Et sur cette base-là, va se construire l'organisation politique de la collectivité. Donc, comment créer le paradis sur Terre? Comment créer cette nouvelle civilisation qui serait une étape en avant? Et, en comprenant que nous sommes responsables, que nous créons le monde par nos choix, comme j'ai dit, je répète, en étudiant comment nous le créons collectivement. Donc, il faut comprendre c'est quoi les mécanismes, c'est quoi les structures du pouvoir, les institutions, les outils, les organisations, les procédés. Et en s'appropriant les règles de ces structures de pouvoir, on va pouvoir faire ça en s'organisant en conséquence. Et donc, ça passe par l'unité. On a parlé aussi, donc, précédemment des médias, et que c'est le plus grand pouvoir, c'est les médias, et on contrôle, pour contrôler cet outil-là, c'est le contenu. Donc, il faut contrôler quel est le contenu des médias. Et en créant un outil collectif sur la base de ce fonctionnement-là, donc en créant un journal, si on peut commencer comme ça, unique pour une collectivité, et en contrôlant le contenu de ce journal-là, en s'entendant sur ce que sera ce contenu, eh bien, on se dote d'un outil extrêmement puissant pour créer un focus collectif vers où on veut aller. Évidemment, le défi sera de réussir à s'entendre sur quel sera ce contenu-là, mais les collectivités, que ce soit municipales, régionales, éventuellement nationales et espérons-le, mondiales, les collectivités qui réussiront cet exploit vont se donner une longueur d'avance et espérons-le, cela va inspirer ou encourager les autres à faire les efforts nécessaires pour réussir à maintenir le minimum de canaux médiatiques. Parce que, c'est évidemment, pour créer une force, un pouvoir, ça prend un minimum de médias et un maximum de citoyens qui concentrent leur attention sur une certaine information. Donc, en concentrant notre attention sur cette information-là, et donc ça donne du pouvoir à ceux qui contrôlent l'information qui est contenue dans les médias. Donc, l'idée, c'est que ce soit les citoyens qui décident de ce contenu. Donc, on avait parlé de ce projet-là qui s'appelle Média Unique et qu'on va mettre éventuellement, très prochainement, en branle. Donc, c'est ça. Pour illustrer, je vais terminer ce segment avec pour illustrer le besoin de changer les choses à tous les niveaux. Donc, l'idée d'avoir un objectif collectif pour toute la civilisation. Je vais utiliser l'image que j'appelle le syndrome de Mère Teresa. Donc, c'est un petit village où les gens, il y a des gens qui commencent à tomber malades et Mère Teresa va les aider. Comme c'est ça c'est son cœur, les gens ont besoin d'aide, donc elle va les aider. Et il y a de plus en plus de gens qui tombent malades, donc il y en a d'autres qui se joignent à elle et qui vont aider ces gens qui tombent malades. Donc, ça, c'est le premier principe, c'est la charité, donc le premier niveau. C'est extrêmement important de tout faire ce qu'on peut pour aider les gens régler nos problèmes directement qu'on a maintenant. Donc, il ne faut pas attendre de changer la société pour s'occuper des gens qui ont besoin d'aide. Donc, c'est extrêmement important. Il faut le faire. Il faut faire tout ce qu'on peut. Mais malgré cette charité-là nécessaire, dans le petit village, il y a encore des gens qui tombent malades et qui nécessitent des soins. En fait, il y en a tellement que ça s'en vient un gros problème. Cependant, certains dans le village commencent à pointer du doigt la qualité de l'eau comme étant la cause des gens malades et que celle-ci est contaminée par l'usine en haut de la côte. Donc, ces gens-là qui commencent à pointer du doigt et à se dire que c'est peut-être pour ça que les gens sont malades, il faudrait peut-être faire quelque chose, ils ne sont pas bien reçus, car le quart des gens du village travaillent à l'usine et la moitié du village dépend de ce quart pour leurs affaires. Donc, vouloir changer la situation au niveau de la contamination de l'usine, des emplois, de l'économie, ça aussi, c'est de la charité, car c'est à cause de ça que les gens sont malades. Donc, faut régler ces problèmes-là. Sauf que c'est compliqué, évidemment, car beaucoup d'aspects sont impliqués et la solution n'est pas directe. C'est pas comme quelqu'un a besoin d'aide, on va l'aider. Quelqu'un a besoin de nourriture, on lui en donne. Donc, c'est plus complexe. Ça peut pas changer avec une simple décision. Mais c'est sans ce deuxième niveau de charité, c'est-à-dire de voir à changer les choses pour régler le problème qui fait que des gens tombent malades, sans ce deuxième niveau-là, le premier niveau n'a pas de sens, et même on pourrait dire qu'il perpétue le problème, parce qu'il le rend moins aigu, et qui fait qu'on reste d'une certaine façon... On reste satisfait de la situation alors qu'on ne cherche pas à la régler. Donc, comment on peut résoudre la chose? En fait, pour prendre l'image de notre projet, il faut créer un nouveau village. Donc, il faut considérer toutes les dimensions du village. Donc, c'est une image que je veux utiliser. On peut pas fermer l'usine car les gens ont besoin des salaires et il faut considérer les choses en profondeur. Cela demande d'avoir le pouvoir de changer les structures si nécessaire, par exemple au niveau de l'argent, du système financier, et parce que si les gens ont besoin de travailler à l'usine parce qu'ils ont besoin d'argent et les autres ont besoin de cet argent-là pour faire fonctionner l'économie, Mais évidemment, c'est sûr que là, il faut considérer tous ces systèmes-là ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les changer, pour régler la situation. Et c'est ce qu'on va voir après la pause. Je vais revenir sur le crédit social, donc sur la réforme du système financier, parce que j'ai eu une demande à ce niveau-là pour expliquer plus le crédit social. Bien, en fait, je veux simplement redire ce que j'ai dit la dernière fois sur la réforme du système financier, qui est évidemment un gros morceau. Donc, on va voir ça tout de suite après la pause musicale. Thank you. De retour. Maintenant, on veut parler d'argent, en fait, du système financier et plutôt, plus précisément, de sa réforme. Comme on voyait dans l'image du petit village avec Mère Teresa, pour changer les choses, faut considérer le système d'argent puisque les gens ont besoin de ce système, de l'argent dans la société, dans le village comme tel. Et comment ça fonctionne, c'est que l'argent vient des salaires, donc ils ont besoin de participer à la production dans l'usine, qui elle-même est un problème parce que les gens tombent malades à cause de l'usine. Donc évidemment, c'est une image extrêmement simplifiée, mais c'est pour montrer que tout est interrelié et on ne peut pas juste, par exemple, couper l'usine et pas tenir compte du fait que les gens ont besoin des salaires et que les autres entreprises, beaucoup d'autres gens du village ont besoin de l'argent de ces gens-là qui viennent évidemment dans leur utiliser leurs services, acheter leurs produits, etc. Donc, c'est ça la logique. Donc, l'argent est à considérer comme un système qui est une création collective. Donc, c'est un système conventionnel. Et parce que tout seul, évidemment, on n'aurait pas besoin d'argent. Et c'est un outil donc collectif que nous avons créé. Mais est-ce que nous pourrions vivre sans argent? Parce que c'est une question qui est un argument qui est souvent avancé. Et bien sûr que nous pourrions. De la même façon qu'on pourrait aussi construire une maison sans marteau, sans scie. Ce serait possible, mais pourquoi se priver de ces outils-là? Donc la vraie question, c'est pas vraiment si on peut s'en passer, mais pourquoi il y a un problème avec l'argent? Et donc, pourquoi ça l'est? Et c'est important de considérer que c'est un système que nous avons créé. Et comme de fait, il y a des gens qui ont détecté on peut appeler ça des gens, des experts, ou dans ce cas-ci, c'est le fondateur ou le créateur de la doctrine qui s'appelle le crédit social. Et lui était un homme extrêmement intelligent, donc il était comptable et ingénieur. Et c'est lui, entre autres, il y en a d'autres aussi, il n'y a pas seulement lui, mais c'est lui que je connais le plus. Donc, qui s'est aperçu qu'il y avait un problème avec le système qu'on a créé, l'argent, donc qui est un système conventionnel. Et comment qu'il s'en est aperçu? Et donc, il était, comme j'ai dit, c'est un Écossais, c'est à la fin du 19e siècle, donc dans les années 1890 et quelques. Il était en Inde sur un chantier où on construisait un pont. Et à un certain moment donné, les autorités sont arrivées et ont dit qu'il devait arrêter la construction parce qu'il n'avait plus d'argent. Donc, c'est là qu'il s'est amené à se poser des questions sur l'argent parce qu'il s'est dit que les gens voulaient un pont, ils en avaient besoin d'un. On avait toutes les ressources, donc les matériaux étaient là, on avait tout le savoir-faire, les ingénieurs. Donc, tout le monde voulait un pont, on était capable de le faire, mais la seule chose qui manquait, c'était l'argent. Donc, c'est là qu'il a commencé à se poser des questions, qu'il a étudié en profondeur l'argent, et éventuellement, quelques années plus tard, il est arrivé avec ce qu'il appelait la réforme du crédit social. Donc, évidemment, ce monsieur-là était extrêmement intelligent et il s'est dit, et il était aussi peut-être un peu naïf, comme on l'est tous, il s'est dit, il faut que je montre ça au monde, il faut que je le fasse connaître pour qu'on change le système. Et évidemment, il a frappé un mur parce que, comme on a dit plus tôt, il faut tout changer, tous les systèmes en même temps. Il faut avoir le pouvoir pour le décisionnel, l'autorité pour le faire. Et le monde n'était pas prêt à ça. Et est-ce qu'on l'est encore? Ça reste à voir. Mais lui, sa proposition, c'était pour une réforme du système d'argent. C'est important de voir que ce n'est pas une réforme superficielle, donc c'est vraiment au niveau du fonctionnement intégral du système. Donc ça peut être relativement complexe. C'est entendu que l'argent, ça peut être extrêmement, la finance, un dossier complexe. Et je n'ai pas la prétention d'être un expert du tout là-dedans, et je ne crois pas que nous n'avons besoin de l'être. Et pour comprendre ça, j'utilise l'image de la digestion. Donc, je peux vous expliquer le phénomène de la digestion, que, donc, par exemple, je veux manger une pomme, Et la pomme, c'est un aliment, donc je le mange, ça va dans mon estomac, je le digère. Donc, il y a des acides dans mon estomac qui défont la pomme en petits morceaux, qui sont par exemple des nutriments que mon corps a besoin, des vitamines, des minéraux, etc., des protéines. Et ça, par l'estomac et les intestins, ça se transmet dans le sang et ça va nourrir mes cellules, parce que mes cellules ont besoin de ça pour fonctionner correctement. Donc, évidemment, c'est très simple. Mais est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que ça pourrait être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe? Oui. Mais pas besoin de nécessairement aller dans la complexité sans que ce soit faux. Donc, on peut rester à un niveau simple et comprendre les choses. Et c'est important de rester à ce niveau-là parce que si on veut que ce soit vraiment tous les citoyens qui prennent les choses en main, qui dictent aux experts, justement, qu'est-ce qu'on veut? Ben, c'est important de ne pas tomber dans la complexité. Et ce que les économistes font souvent pour ridiculiser ceux qui voudraient des changements. Et c'est ce qui est arrivé, évidemment, dans l'histoire, l'historique du crédit social. C'est souvent des gens très simples qui s'intéressaient à ça, et qui n'étaient pas des experts, et ils sont fait ridiculiser. Parce que c'est sûr que des fois, on peut dire des choses qui ne sont pas vraies, si on va trop loin dans l'approfondissement. Mais c'est important de savoir qu'on n'a pas besoin d'y aller. On peut rester dans la superficie, dans la simplicité, et de laisser les choses plus complexes à ceux qui sont aptes à le faire, mais c'est ceux qui vont prendre les décisions, ce sont les gens sains, les citoyens, parce que c'est nous qui sommes l'autorité. Donc, je reviens au Major Douglas, donc c'est un, ça s'appelait comme ça, là, c'est Monsieur Douglas, donc un Écossais. Et donc, il est arrivé avec le crédit social, il y avait trois piliers dans sa doctrine, simplement le dividende, la création monétaire sans intérêt, et l'escompte compensé. Donc, le dividende, ça se compare, si on veut, au revenu minimum garanti, revenu universel. Il y a différents noms qui sont donnés à cette chose. Mais c'est différent de ça parce qu'évidemment, avec le crédit social, c'est un système complètement différent, non seulement technique, mais au niveau de la philosophie. Donc, il faut comprendre que le dividende, c'est comme un dividende lorsqu'on est actionnaire. Donc, c'est quelque chose, un salaire qu'on reçoit en étant actionnaire. Donc, dans la philosophie du crédit social, chaque être humain est co-actionnaire des richesses de l'héritage scientifique et culturel et aussi des ressources naturelles. Donc c'est un montant d'argent qui est donné, distribué. Donc, on qualifie ce système-là dans la grande catégorie du distributisme. Donc, il y en a d'autres aussi que je ne connais pas, mais qui sont inclus là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne redistribue pas l'argent comme on veut faire dans le système actuel en prenant des taxes des uns pour les redonner aux autres. C'est pas de la redistribution, c'est très important. C'est de la distribution. Donc, on distribue quoi? On distribue de l'argent nouveau qui est créé sans intérêt par un institut. Dans le fond, c'est comme on avait... Dans le fond, ça sera éventuellement un organisme public indépendant constitué d'experts qui vont créer l'argent. Alors, je vais expliquer un peu plus tard pour ceux qui pourraient se poser des questions là-dessus, la création de l'argent et le vice du système actuel. Mais donc, c'est dans le crédit social, l'argent est créé sans intérêt. Et le troisième, l'escompte compensé, évidemment, celui-là est un petit peu plus complexe. Donc, c'est ce qui vient équilibrer le tout parce que c'est entendu qu'on ne peut pas créer de l'argent indéfiniment. Il faut aussi, il y a d'autres choses à tenir en considération. Il faut ajuster les prix et retirer de l'argent. Donc, on n'ira pas dans les détails. De toute façon, je ne pourrais pas. Mais si la chose vous intéresse, il y a beaucoup de livres sur le crédit social. Donc, il faut comprendre que ces trois piliers-là constituent le fondement de la doctrine du crédit social. Et pour revenir au revenu minimum garanti qui fait souvent la manchette, il faut dire aussi que le communisme mondial n'a pas peur de ça. Et il y a même l'intention de le donner. Mais par exemple, il va y avoir des conditions pour l'avoir, mais... ce ne sera pas le crédit social. Donc, le crédit social, c'est vraiment... c'est complètement différent. Et donc, on va revenir à la... Je vais aller retourner en pause musicale. Je vais revérifier mes notes pour... parce que j'ai le temps. Le temps avance. Donc, je reviens tout de suite après une petite chanson... Donc, pour ce qui est du revenu universel ou du dividende, comme on appelle dans le crédit social, dernièrement, au Québec, il y a certains économistes qui sont arrivés et ont dit que cela ne serait pas possible. Ils ont fait probablement des études pour qu'ils sont venus à cette conclusion-là. Mais en fait, ils prennent les choses dans le mauvais sens. C'est pas aux experts à nous dire ce qui est possible ou pas possible, ou aux scientifiques ou qui que ce soit de... la science, les entrepreneurs ou le gouvernement, c'est aux citoyens à dire ce qu'ils veulent et à demander, à donner le mandat à ceux qui prétendent être capables et qui en ont à qui on en a donné l'autorité ou le pouvoir, et qui ont les connaissances, de le créer, de le chercher ou de le trouver. Donc, c'est à nous à dire ce que nous voulons, le système qu'on veut, et aux experts à voir à ce que... faire des démarches pour le mettre en place. C'est pas à eux à venir nous dire que c'est pas possible. Donc, ils prennent les choses d'un mauvais sens. Et pour ce qui est de la transformation du système financier, là, je propose le crédit social, mais si vous n'avez pas le terme, vous pouvez utiliser autre chose. Quoique, maintenant, les jeunes, ils se préoccuperont pas tellement ils n'ont pas l'influence comme ceux qui ont connu le crédit social dans le temps. Donc, ça ne les dérange pas de l'appeler comme ça. Mais ce qui est important, d'abord, c'est de voir c'est quoi le problème avec le système financier, parce que c'est ça que le crédit social, entre autres, va venir corriger. Donc, c'est quoi le vice financier? Et d'abord, c'est quoi l'argent? Donc, j'ai une simple définition. C'est un système conventionnel qui sert à mesurer la valeur. Donc, un système, ça veut dire que c'est créé, c'est quelque chose qui est construit. Donc, dans la nature, il n'y a pas d'argent. Donc, c'est nous qui élaborons, qui décidons, qui mettons ça en place. Et conventionnel, donc, c'est collectif. C'est tout seul, on n'en a pas besoin, comme on a dit. On ne peut pas, de toute façon, créer de l'argent si on est tout seul. Et ça sert à mesurer, donc à échanger, à entreposer la valeur. Et c'est sûr qu'il y a plusieurs définitions. Et on peut, comme on a dit tantôt, on peut rendre ça extrêmement complexe. Et toutes ces définitions-là ont sûrement quelque chose de bon. Donc, il y a plusieurs façons de voir les choses et on peut l'approfondir presque indéfiniment. Mais, d'après moi, la définition, ce sont les éléments de base. Donc, c'est un système conventionnel qui sert à mesurer la valeur. Et donc, mesurer la valeur, ça veut dire quoi? C'est la contenir. Donc, c'est un système qui doit chiffrer et permettre de limiter. Par exemple, on a utilisé l'or quand c'était en quantité limitée naturellement. On a aussi utilisé le sel lorsqu'il était rare à trouver et que le monde en avait besoin. Donc, il y a eu différentes choses qui ont été utilisées. Aujourd'hui, on utilise des chiffres tout simplement, qu'ils soient sous forme digitale, électronique ou sur papier avec un chiffre dessus, le papier monnaie. Et pour que le système fonctionne, il doit être accepté de tous. Et pour être accepté et utilisé, il faut qu'on lui fasse confiance. C'est d'ailleurs le mot la racine du mot crédit, c'est la confiance. Donc, pour que ça marche et pour que l'argent puisse mesurer la quantité d'argent, donc le nombre d'unités chiffrées, doit être contrôlé, sinon ça ne fonctionne plus. Donc, c'est important. Donc, on comprend cela avec l'image d'après-guerre, les brouettes remplies de billets qui peuvent à peine acheter un pain. Donc, on sait que si on crée l'argent indéfiniment, à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Donc, c'est important. Il y a comme une quantité qui est limitée, qui est importante d'être contrôlée. Et le sujet de l'argent peut devenir complexe, comme on a dit. Et donc, l'argent doit être créé. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. On continue. L'argent doit être créé. Et comment cet argent est créé? Simplement en mettant en circulation des unités. Par exemple, si le système en cours, c'est l'or, comme dans le temps de Babylone, par exemple, eh bien, si on trouve de l'or, on crée automatiquement de l'argent. Parce que déjà est en circulation, parce que c'est ça qu'on utilise comme monnaie, c'est de l'or. Mais si cet or doit être transformé en pièces d'or et frappé d'un certain sceau, comme dans le temps des Romains par exemple, alors ce sont ceux qui ont accès à ce sceau qui ont l'autorité de l'utiliser et qui peuvent créer l'argent et le mettre en circulation. Évidemment, les deux systèmes peuvent cohabiter. Exemple, il y en a qui grattaient les pièces d'or puis utilisaient cet or-là un peu comme le troc. Mais donc, ça c'est juste pour montrer qu'il y a un contrôle sur qui contrôle et de l'argent doit être créé. Et donc, notre système aujourd'hui, si vous pouviez imprimer des billets ou inscrire des chiffres dans votre compte de banque, vous pourriez créer de l'argent. Mais ça compromettrait le système. Autrement dit, il y aurait trop de création d'argent puis ça ne fonctionnerait plus. Donc, il faut que ce soit contrôlé. Mais comment est créé l'argent dans notre système actuel? Eh bien, c'est un système bancaire. Donc, ce sont les banques, qui sont des entreprises privées, qui créent l'argent. Et comment? Bien, de la même façon que vous pouvez inscrire des chiffres sur votre calculatrice, sauf que les banques l'inscrivent dans des comptes de banque. Elles peuvent le faire car elles en ont reçu la permission et sont mandatées à cette tâche. Et donc, certains disent que le problème, c'est que les banques créent l'argent à partir de rien, mais ce n'est pas ça le problème. C'est l'argent doit être créé, alors ça peut très bien être les banques qui s'en chargent. Et l'argent a toujours et sera toujours créé à partir de rien. Donc c'est une simple décision. Que ce soit de l'or ou quoi que ce soit, c'est un accord, c'est une décision conventionnelle que c'est ça qui va être l'argent. Donc c'est toujours créé à partir de rien, c'est une simple décision. Donc on décide que cela sera l'argent et ça l'est, on l'accepte, on fait confiance et on l'utilise. Lorsqu'on utilisait l'or, aussi, l'argent était créé, mais à ce moment-là, c'était lorsqu'on décidait officiellement ou de façon informelle et qu'on acceptait telle ou telle chose comme étant l'instrument qu'on allait utiliser comme moyen de mesure. Donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est évidemment les banques. Donc, si on ne peut pas s'entendre entre nous, parce que c'est ça que ça veut dire conventionnel, à cause de conflits, de guerres, ou bien on retourne à un moyen de mesure, donc de restriction naturelle, c'est-à-dire l'or, qui donc n'est pas utilisé à cause de sa couleur ou sa propriété, mais à cause qu'il est naturellement plus rare. Donc, c'est pour ça que les gens, pour que ce soit conventionnel, ça implique que les gens s'entendent entre eux c'est une convention. Mais si les nations sont en guerre, on ne peut pas s'entendre sur un moyen commun de mesure. Donc, on retourne à ce qui est extérieur à nous, qu'on ne peut pas contrôler. Donc, c'est l'or qui est en quantité limitée, donc qui était utilisé parce que, évidemment, comme c'est rare, donc il y avait un contrôle naturel sur la quantité. Évidemment, si les alchimistes avaient réussi à transmuter le plomb en or, mais à ce moment-là, ça aurait détruit la possibilité que l'or soit utilisé comme instrument de mesure, donc il aurait fallu prendre autre chose. Donc, si on revient aux banques, c'est les banques créent l'argent en inscrivant des chiffres dans les comptes de banque grâce à l'autorité qu'elles ont reçue, passivement peut-être, insidieusement, mais qu'elles ont quand même bien reçu de nous. Et cela n'est pas le problème, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a un problème qui est beaucoup plus grave. Et quel est ce problème? Et c'est important de le voir, de le comprendre et de l'éliminer, ce qu'on ferait en implantant le crédit social, évidemment. Et ce problème-là, c'est ça qui a donné à ceux qui contrôlent la création monétaire, c'est-à-dire les banques privées, un pouvoir surdimensionné et dont l'humanité souffre grandement. Donc, ce vice, c'est l'intérêt, mais pas n'importe quel. C'est l'intérêt sur l'argent créé. Donc, c'est important la nuance ici, car les banques créent l'argent en inscrivant des chiffres sur des comptes de banque, sauf qu'elles font cela dans le cadre d'un prêt. Donc, cet argent nouveau est greffé d'un intérêt. Donc, l'emprunteur doit retourner plus que ce qu'il a été créé. Et comme elles sont les seules à créer l'argent, et que c'est uniquement de cette façon qu'elles le créent, tout l'argent en circulation est venu au monde de cette façon, greffé d'un intérêt. Donc, les banques, via ce système vicié, demandent l'impossible, c'est-à-dire de rapporter plus d'argent qu'elles en ont créé, et donc plus qu'il y en a en circulation. Autrement dit, comme a dit un économiste, elle crée 10 et demande qu'on rapporte 11. Et c'est mathématiquement impossible. Il faut rapporter 11 de ce qui a été prêté et non pas d'autre chose. Et elles seules peuvent créer ce qui est demandé, donc elles tiennent les prêteurs en otage. C'est ça à quoi la Bible fait référence lorsqu'elle parle d'usure. Donc, plusieurs reprises dans la Bible, Dieu donc, a dit de ne pas pratiquer l'usure. Et l'humanité a continué à le faire, et continue encore à le faire, parce que c'est ça, c'est le système actuel bancaire, c'est un système usurier. Donc, c'est l'impossibilité mathématique de rembourser ses dettes qui crée et qui continue de créer aujourd'hui l'esclavage. Donc, on est en mode d'esclavage financier, économique. On est encore là-dedans aujourd'hui, comme dans le temps, dans la Bible, dans le temps des Égyptiens, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que, par exemple, juste la dette fédérale canadienne aujourd'hui est rendue, je ne sais plus combien de fois on l'a payé, ce qu'on a emprunté. Au début des années 2000, on parlait de 40 fois. On avait payé 40 fois le capital. Et bien, on va continuer à le payer ad vitam aeternam parce que c'est impossible de le rembourser. Il en est de même de toutes les dettes provinciales, municipales. Et ce sont de véritables trous noirs et ils ne seront jamais remboursés et c'est impossible mathématiquement. Il en est de même donc pour toutes les dettes, ce qui fait qu'elles sont illégitimes et à cause de cela, elles devront toutes être effacées. En fait, même si on faisait ça et qu'en plus on redonnait tout l'argent aux gens, c'est-à-dire que si on prenait la dette canadienne et qu'on la transformait en capital, on la distribuait à tous, donc, nous ne réparerions pas tout le mal que cela a engendré, c'est entendu. C'est incalculable. Et c'est ce qu'on faisait avant, c'est important de le mentionner. Donc, on appelait ça le jubilé. Donc, à toutes les 5 ans, on savait dans le fond que le système était vicié, mais on n'avait pas de moyen de le corriger. Donc, à toutes les 50 ans, on effaçait les dettes. Donc, c'était le jubilé. Et on l'a fait il y a quelques années, mais c'est plutôt une farce, c'est-à-dire que c'est les pays riches, donc nous, développés, qui ont effacé une certaine dette de pays dits pauvres, donc l'Afrique. Mais ce qui est revenu à dire qu'en vérité, on a emprunté de l'argent pour en s'endettant. Donc, on s'est endetté, nous, les pauvres d'ici, pour donner de l'argent à des crapules au gouvernement qui sont dans les gouvernements corrompus en Afrique. J'ai entendu que ça n'a pas aidé personne, ça n'a pas du tout réglé le problème. On n'a pas du tout compris, comme on comprenait avant, que le système est vicié et on ne l'a pas corrigé. Et on n'a pas effacé les dettes, évidemment, et on a encore moins corrigé le système. Et c'est certainement pas les experts, sauf exception, qui reconnaissent que ce système-là, ils le défendent plutôt. Ils proposent des choses, mais en surface, il ne faut rien attendre d'eux, on le répétera jamais assez. Donc cela explique le premier pilier du crédit social, la création monétaire sans intérêt. Et comment cela pourrait être accompli? Ben, en enlevant ce pouvoir-là aux banques. C'est la première chose à faire. Et d'ailleurs, si je peux ouvrir une parenthèse, s'il y a quelque part récemment où il y a une collectivité qui a réussi à démontrer ce qu'on pourrait faire si on était unis, c'est l'Islande. Et ils n'ont pas vraiment créé l'unité dans le sens que c'est plutôt une unité, disons, contextuelle, vu qu'ils ne sont pas beaucoup. C'est un pays, je crois qu'ils sont 300 000 personnes, et donc ils ont une relative homogénéité, donc ce qui peut se rapprocher le plus de l'unité. Et qu'ont-ils fait, ces gens-là, récemment? Bien, ils ont changé la constitution, donc ils ont changé les lois, et donc le pouvoir politique, et aussi ils ont mis à l'arrêt des banquiers. Donc ça montre où une collectivité unie va frapper en premier. C'est entendu que c'est pas transférable, dans le sens que la façon dont ils se sont unis, comme c'est contextuel, c'est pas transférable à d'autres collectivités, et c'est ça qu'il faut corriger. Donc il faut réussir à créer l'unité justement pour avoir une méthodologie, une science de l'unité, une façon de s'organiser entre nous, même si on pense qu'on est différent ou on n'est pas d'accord, de façon à créer justement un savoir-faire qui va être transférable aux autres collectivités, aux autres municipalités, régions, partout en Amérique, partout dans le monde, dans le fond, pour éventuellement créer cette unité-là entre nous au niveau mondial. Donc, au niveau, ça va être les individus, les citoyens qui vont être unis. Donc, le pouvoir va être à la base et ça va être une unité mondiale. Et pour ça, ça prend un savoir-faire, ce que l'Islande, malheureusement, ne peut pas nous transmettre, puisque leur unité était contextuelle, c'était du fait qu'ils sont peu nombreux et qu'ils sont relativement homogènes. Mais on peut quand même voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Donc, le système financier a été une des premières cibles, un des premiers changements qu'ils ont, en tout cas, tenté de faire. Évidemment, ça ne réglera pas le problème parce que le système, maintenant, l'argent n'est plus national, il est rendu mondial. Donc, pour effectuer des changements à ce niveau-là, ça va prendre une convention toutes les internationales. Mais ça montre quand même le pouvoir de l'unité et que l'importance, le vice du système bancaire. Donc, mais pour ce qui est de revenir au crédit social, donc pour créer la monnaie sans intérêt, on va redonner ce pouvoir-là, après l'avoir enlevé aux banques, on va le redonner à un organisme public et qui va être constitué évidemment d'experts, d'économistes, comptables, financiers, qui vont déterminer combien d'argent doit être mis en circulation. Et ils vont créer tout simplement l'argent sans intérêt, c'est tout simplement en écrivant des chiffres dans un compte. Et ils vont prêter cet argent-là aux banques qui vont continuer à faire leur job, sauf qu'ils ne vont pas charger d'intérêt sur l'argent qu'ils vont prêter. Et lorsqu'ils vont prêter, ça va être comme vous et moi lorsqu'on prête. C'est-à-dire que si elles ont 1 million de dollars et elles prêtent 1 million, ben, leur compte va baisser d'un million. Mais c'est pas comme ça en ce moment, évidemment. Et donc ça va être fini, la création d'argent par les prêts, par les banques. Et leurs revenus, comment vont-elles faire de l'argent? Bien, de la même façon que tous les professionnels font leur argent en chargeant des honoraires, comme tout le monde. Donc, c'est la vision pour le système financier et qui selon le crédit social. Si vous n'aimez pas le mot, vous pouvez utiliser un autre mot, mais le vice financier est toujours là quand même. Et il va falloir à un moment donné reprendre ce pouvoir-là de l'argent et changer le système pour de vrai. Il faut que ce soit les gens qui comprennent ça et qui le demandent. Et il faut tout changer en même temps. Donc, il faut créer le paradis sur Terre. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence. Comme j'ai mentionné, je suis très ouvert aux commentaires. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, c'est la meilleure façon, Patrick Tétrault.